Ce sont les enfants de Seineville, ah ce sont de bons enfants. Ce sont les enfants de Seineville, ah ce sont des bons enfants. On fait construire un navire, j'aime la belle endormie. Pour aller sur le grand banc, j'aime la belle endormant. Pour aller sur le grand banc, j'aime la belle endormant. Ce beau navire était d'ivoire et ses mâts étaient d'argent. Ce beau navire était d'ivoire et ses mâts étaient d'argent. Et la coque du navire, j'aime la belle endormie, et peinturée tout en blanc, j'aime la belle endormant. Et peinturée tout en blanc, j'aime la belle endormant. Il y avait sur ce navire une jeune fille de 15 ans. Il y avait sur ce navire une jeune fille de 15 ans. Le capitaine du navire, j'aime la belle endormie, chatouilla ses genoux blancs, j'aime la belle endormant. Chatouilla ses genoux blancs, j'aime la belle endormant. Doucement n'allait pas si vite, doucement pas si avant. Doucement n'allait pas si vite, doucement pas si amant. Et vous avez eu mon pucelage, j'aime la belle volage. Mais j'ai pas eu mon argent, j'aime la belle endormant. Mais j'ai pas eu mon argent, j'aime la belle endormant. Vous avez eu mon pucelage, mais je n'ai pas eu mon argent. Vous avez eu mon pucelage, mais j'ai pas eu mon argent. Le galant fouille sa bouquette, j'aime la belle Henriette. Donne à son écu content, j'aime la belle endormant. Donne à son écu content, j'aime la belle endormant. Tiens, voilà, c'est pour toi, ma belle. La mère et pour l'enfant. Tiens, voilà, c'est pour toi, ma belle. Pour la mère et pour l'enfant. Et ça sera pour le mettre à l'école. J'aime la belle Nicole. À l'école de Rouen, j'aime la belle endormant. À l'école de Rouen, j'aime la belle endormant. Et ce sera pour apprendre à lire et compter en même temps. Ce sera pour apprendre à lire et compter en même temps. Pour en faire un